Demandez-lui pourquoi tout ce grand vide autour de nous, toutes ces blessures qui nous rendent fous. Mais vous, réveillez-nous demain aux couleurs de l'aube, c'est si bien, et nous prendrons le même chemin. Oh, ce serait bien. Ce serait bien. De vouloir vivre sans effort, de respecter tous ces remords. Oh, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pour toutes ces nuits passées contre son corps, et à l'aimer toujours plus fort. Je ne serai plus jamais le même homme. Je ne vivrai plus pour personne. Vous, emportez-la ailleurs, faire découvrir d'autres fleurs, lui offrir encore du bonheur. Mais vous, gardez pour vous vos pleurs, elle ne vit pas pour vos douleurs, elle se tient bien loin de vos cœurs. Oh, j'ai si peur. De toutes vos nuits passées contre son corps, et à l'aimer toujours plus fort. Vous ne serez plus jamais le même homme. Vous ne vivrez plus pour personne.